L'actualité des sciences, les aventuriers. Bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Eric. On part dans l'Atlantique parce qu'on a appris que des scientifiques voulaient mettre le brouillard de Terre-Neuve en bouteille. Vous connaissez l'expression avec des si. On mettrait Paris en bouteille. Ce que veulent faire des chercheurs américains est beaucoup plus sérieux. Le brouillard de Terre-Neuve serait l'un des trois meilleurs brouillards au monde. Des scientifiques américains et canadiens avec des militaires des deux pays mènent un projet de recherche sur ce brouillard qui peut avoir un fort impact sur les transports, la santé ou la sécurité. Le brouillard est l'un des phénomènes météo les moins bien compris. Un navire avec des chercheurs à bord était il y a quelques jours au large de Terre-Neuve pour déterminer la composition de l'eau, la quantité et la taille des particules que contient le brouillard terre-neuvien. Sur place, c'est bien, mais pour l'étudier au mieux, il faut faire des analyses en laboratoire. Les scientifiques vont maintenant tenter de mettre ce brouillard en bouteille. Dans l'actualité des sciences, Fabienne, il y a aussi cette innovation étonnante à base d'urine. De l'urine et tout peut devenir plus lumineux. Une école d'ingénieurs parisienne travaille sur un projet original, faire de l'électricité avec ce précieux liquide. Des étudiants viennent de démontrer qu'il est possible de produire de l'électricité avec de l'urine dans une biopile microbienne. Le procédé est simple, fiable et peu coûteux. Chaque être humain produit en moyenne 1,5 litre d'urine par jour. Les jeunes scientifiques ont trouvé une bactérie qui dégrade cette urine en produisant des électrons. L'équipe travaille avec une école d'ingénieurs du Burkina Faso dont les 9/10 de la population n'ont pas l'électricité. Cette invention baptisée Everlux pourrait apporter de l'éclairage à des millions de personnes sans pollution. On peut aussi imaginer que les toilettes ne seront plus jamais dans le noir. Nuit ! Jour ! Vous avez peut-être reconnu un extrait des visiteurs. Encore une histoire de rein, Fabienne, avec cette méthode très efficace et plutôt inattendue pour se débarrasser des calculs rénaux. La cérémonie des Ig Nobel qui récompense chaque année des recherches loufoques a primé Eric, deux Américains, qui montrent que les montagnes russes font évacuer les calculs. Aux États-Unis, un patient a raconté à son médecin urologue avoir fait passer 3 calculs rénaux dans des montagnes russes. Le médecin avait déjà entendu cette histoire qu'il pensait être une légende. Il s'est associé à un professeur d'université. Les deux scientifiques ont reproduit en silicone les canaux par lesquels le calcul doit passer. Ils ont mis de l'urine et des cailloux dans le modèle en silicone et sont allés faire un tour de montagnes russes dans un parc à Orlando. Ils ont montré que les mouvements brutaux pouvaient aider les calculs à passer et cela fonctionne dans 63% des cas si on est assis à l'arrière du train. Reste maintenant à convaincre l'assurance maladie, il faudrait qu'elle rembourse les entrées dans les parcs d'attractions. Eh bien, je ne regarderai plus les manèges de la même façon. On va terminer, Fabienne, avec un petit tour sur la planète Mars. Avec cette question, serait-il plus facile de commettre un crime sur la planète rouge ? Et voici la drôle d'enquête que vient de mener une journaliste américaine. Une journaliste du magazine américain The Atlantic qui voulait savoir si un crime commis sur Mars serait facile à élucider a rencontré plusieurs scientifiques. Une archéologue explique que si un corps est laissé sur un sol gelé, sa partie exposée au vent et au froid va se détériorer très vite. Mais la partie dans le sol glacé peut, elle, être préservée. On pourra donc identifier un corps. En revanche, sur Mars, l'ADN évolue différemment. Un coup de couteau ne produirait pas non plus les mêmes éclaboussures de sang à cause de la faible gravité. Mais déguiser un crime sur Mars pourrait être plus simple. Il paraît facile de saboter le joint d'une combinaison spatiale ou de détériorer une bouteille d'oxygène. Mon cerveau se vide. Merci Fabienne Chauvière. C'était Les Aventuriers. La chronique est à retrouver sur franceinter.fr.